On va parler avec notre ami Pascal Masson de la Ligue canadienne de football et des Alouettes de Montréal. Et on va terminer le dossier Kevin Street parce qu'il y a eu plein de rebondissements encore cette semaine dans le dossier Kevin Street. On a vu des retours. Éric Deslauriers qui est de retour dans l'organisation des Alouettes. Faubert Lucier qui a été rappelé le lendemain que Kevin Street a été congédié. Steven Logan a été congédié. On en parle avec Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, moi, je veux te poser une question que personne ne parle à Montréal, personne ne parle au Québec. Tout le monde dit Kevin Street, on savait ici, on savait ça. Mais là-dedans, Patrick Boivin, il est où? Il fait quoi? Son leadership là-dedans, là, tu sais, je suis pas sûr que... Parce que, de toute évidence, avec les retours qu'on a vus, là, il y avait une mésentente profonde entre Kevin Street et les entraîneurs. Et normalement, quand c'est ça, c'est au président de l'équipe à intervenir. Je ne suis pas sûr que Kevin Street se serait amusé de même avec Larry Smith. Ben là, ça, c'est sûr que non. Ça, c'est... on pourrait répondre directement à cette réponse-là sans trop réfléchir. Ça ne serait pas passé comme ça avec Larry Smith. Ça, c'est de toute évidence. Mm. Patrick Boivin, sa grosse force, c'est les communications marketing. C'était sa réputation et... ce dont on reconnaissait de lui à son arrivée. Donc, on pouvait comprendre de l'extérieur là que peut-être que Boivin n'était pas en mesure nécessairement de challenger Kevin Street sur ses décisions football, là, okay? ses embauches de joueurs, des embauches d'entraîneurs, etc. Cependant, tu sais, là, on a dit que Kevin Street était mis dehors, pas pour... ses capacités à gérer l'équipe de football, mais plus le côté administratif. Ouais. Puis moi, quand tu poses la question, il était où Boivin? C'est ma question que je pose. Il était où dans la supervision de la gestion des finances? Parce que, OK, tu peux pas challenger Kevin Street parce que tu connais pas assez le football, selon ce qu'on dit. Mais pourtant, avec l'expérience et l'expertise qu'il a depuis sa carrière professionnelle, selon moi, c'est là, moi, la question, il était où pour regarder ce que Kevin Street faisait avec les finances. Il ne pouvait pas avoir carte blanche, là, Kevin Street, ça se peut presque pas. Donc, ça, c'est une bonne question que tu poses là. Et puis là, ben, effectivement, là, tu sais, bon, Kevin Street, on l'a mis en dessous de l'autobus, puis avec raison. Sauf que là, Boivin, il l'a mis également en dessous de l'autobus, et là, ben, c'est là qu'on se demande. C'est parce que l'histoire que Kevin Street là, fait paraître mal l'organisation des Alouettes au complet. Là. Oui, c'est ça. Mais t'as un président quand même qui doit intervenir, normalement? Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, je veux dire, en tant que président, tu dois être au courant des faits et gestes de ton entraîneur-chef, de ton directeur général, et puis tu dois le questionner. Puis tu sais, tout ce qu'on a toujours dit, c'est Boivin n'est pas en mesure de challenger Reed pour les décisions football. Puis là, je me répète, mais il n'y a pas juste des décisions football que le directeur général prend. Et la raison pourquoi on l'a mis à la porte, c'est pour des questions autres que de la gestion du football. Donc, il y a clairement un manque au niveau de notre président qui n'a pas été là. Puis c'est ça qui est inquiétant là-dedans. Non, c'est inquiétant. Puis c'est une question qu'on doit se poser, puis ainsi de suite. Puis il faut dire que ça aurait été découvert parce que le club est à vendre, puis on voulait voir les livres aussi. Ben ça c'est très possible. Je veux dire, ouais, hein? Depuis le début des négociations, de ce que moi je sais de certaines personnes qui ont été impliquées le désir d'acheter le club, c'est qu'on n'était pas en mesure d'avoir les informations à chaque fois qu'on parlait de chiffres. On n'était jamais capable d'avoir les chiffres officiels, tout ce qui s'est passé dans les dernières années. C'était toujours très, très difficile, presque impossible d'avoir des réponses aux questions de certains potentiels acheteurs. Et là, ben, on était peut-être rendu à un moment où ce que là, on est proche de la vente du club, puis il faut les montrer, les livres. Mm. Puis il a peut-être fallu les analyser, puis on s'est rendu compte de quelques points. Là. Pascal, je veux te parler des Alouettes maintenant. On va parler de quelque chose de plus positif, parce que c'est clair que c'est positif. Peu importe ce qui arrive, là, avec de la manière que ça s'est fait, moi, peu importe Kevin Street, qu'il soit congédié pour des erreurs administratives, qu'il soit congédié pour son incompétence, il est congédié, c'est ça que je voulais, puis c'est ça, Joe Mac peut pas faire pire que lui, là, en partant. Par contre, demain, c'est le deuxième match de Vernon Adams contre les Eskimos d'Edmonton. Adams, rappelle-toi, lors du premier match, il était très bon. Il est venu en remplacement d'Anthony Pitkin. Est-ce que le fait que là, les entraîneurs vont étudier Vernon Adams, il faut s'attendre à une adaptation contre lui? Ben, moi, je pense que c'est sûr que là, autant du côté d'Edmonton que du côté des Alouettes, les stratégies deviennent un peu plus claires, là, dans le sens que, bon, on a vu des matchs complets d'Adams du côté d'Edmonton, donc on va être en mesure de savoir un peu ses forces, ses faiblesses, un peu plus que lorsqu'il frappe à relève, là. Parce que quand il frappe en relève, comme c'était le cas contre Edmonton, ben, on avait un plan de match établi avec Pipkins, puis lui est venu, puis il est venu sans pression. Là, les entraîneurs des Alouettes, sans Kavis Reid en plus, ont peut-être un peu plus de latitude par rapport au plan de match. Puis, c'est ce qu'on a vu contre Hamilton. Donc, Edmonton, de leur côté, eux, peuvent peut-être être en mesure de savoir un peu plus à quoi s'attendre. Okay? Surtout qu'on a vu le jeu au sol s'être établi un peu plus, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et du côté des Alouettes, mais on ne devrait pas se poser de questions à savoir qui est notre carrière. Là, pour l'instant, c'est Vernon Adams, c'est sûr, et on a un plan de match en fonction de ses forces et faiblesses et de comment l'équipe joue en ce moment. Puis ça va être un match qui va être encore plus autant intéressant, selon moi. Tu n'as pas si jamais Vernon Adams gagne, tu n'as pas le choix de... Puis Pitkin va être de retour. T'as pas le choix d'aller avec Adams, hein. Il fait bien, il fait très bien. Puis il faut dire aussi que, rappelle-toi, c'était un haut choix repêchage. On disait que c'était un corps moulé pour la Ligue canadienne de football. Jim Popp a payé extrêmement cher à l'époque. Il a été congédié, il est revenu. Mais ça se peut là, qu'il joue à son plein potentiel. Oui, oui. Puis, tu sais, moi, je pense qu'en ce moment, tu dis Pipkins, quand il va revenir, je dis, on peut même pas se poser la question. Là. Non. C'est, je veux dire, il gagne des matchs là, en ce moment. Ouais. Quand tu gagnes des matchs, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie ou d'ancienneté ou écoute, tu ne perds pas ton poste à cause d'une blessure. Ça, c'est des dictons qu'on met de côté lorsqu'on gagne. Et puis, en ce moment, les Alouettes gagnent. Ce qui est important du côté des Alouettes, pour moi, c'est de s'assurer de mettre Vernon Adams dans la meilleure position possible. Puis, par là, ce que je veux dire, c'est forcer les passes rapides à court développement, forcer ce qu'on appelle les screens, lancer des passes pièges. Le déplacer de sa pochette protectrice, donc des rolls, du zone read, il faut le sortir et prendre une fois de temps en temps une long shot au sideline, et comme l'a fait la semaine passée avec Lewis, un long fade au sideline une fois de temps en temps pour garder les demi de coin et les demi défensifs sur leur talon. Puis si on fait ça puis qu'on ne s'ostine pas à vouloir lancer ce qu'on appelle du second level, là, tu sais, des passes plus à long développement à l'intérieur. Vernon Adams a plus de difficultés. Et on a eu la semaine dernière contre Hamilton, un moment donné, où on essayait d'y aller plus à cette stratégie-là. Il était imprécis, lance des ballons un peu au-dessus des têtes des receveurs. C'est là que les interceptions peuvent arriver. Et heureusement pour les Alouettes, la semaine passée, le demi-défensif l'a complètement échappé. Donc ça, c'est bon, c'est une interception qui compte pas au tableau, mais pour moi, à mes yeux d'entraîneur, quand je regarde ça, je me dis, eh là là, ça aurait dû être une interception, puis il ne faut pas prendre ces chances-là. Donc, si, parce que oui, il faut attaquer là, le jeu au sol. Quand tout le monde le sait que le jeu au sol, c'est ta seule réponse, à un moment donné, ça va devenir prévisible, puis on va forcer Vernon Adams à nous battre avec son bras, donc on va remplir la boîte, puis on va dire, vas-y, bonne-nous avec ton bras. Mais là, pour éviter ça, il faut le sortir de sa pochette. Il faut utiliser le sideline, exploiter le sideline, puis lancer des passes rapides. On a des receveurs qui jouent just good enough, t'sais, juste comme assez bon pour faire gagner des bonnes verges après et tout ça. Donc, il y en a deux qui sont partis au combat, là. BJ Cunningham et Buster Posey. Donc, pas Buster, mais Devon Posey. Posey qui est out. Il y a un des bons sur le coup de Kavis Reid avec l'autre, là, Bray, qui arrive d'Indianapolis aussi. Donc, ça va certainement changer un peu le plan de match avec deux joueurs blessés, dont un pour 6 semaines, Devon Posey. Parle-moi de Steven Logan, 38 ans. Je peux pas croire, moi, qu'il n'y avait pas, avant la saison, autant de joueurs américains, un gars de 38 ans. Il n'y a pas un gars pour remplacer un gars de 38 ans. Ben écoute, moi, c'est pas nécessairement son âge au-delà des statistiques des performances. Ouais. Je comprends que bon, il n'avait pas nécessairement toujours les blocs pour faire les retours nécessaires, là. Sauf que les retours là, des Alouettes, c'est terrible dans le mauvais sens. C'est là. Important, c'est la guerre de possession, ça. C'est la guerre. Ben oui, puis si tu regardes là, tu sais, à chaque bottée d'envoi, on a de la difficulté à dépasser le 25. Puis quand c'est des bottées de dégagement, on a une moyenne qui frôle les 5 verges par retour de bottée. Tu sais, c'est pas. C'était clairement. Moi, je me questionnais beaucoup depuis quelques années déjà. Pas depuis cette année, mais même l'année passée, puis à la limite l'année d'avant. L'affaire, c'est que, bon, Stephen Logan, c'est un vétéran qui pouvait peut-être amener un certain leadership, un certain équilibre dans l'équipe. Une équipe qui était ultra fragile, donc peut-être que si tu te débarrasses de ce joueur-là, on n'est pas dans les vestiaires pour tout savoir, mais c'est clair à mes yeux que Stephen Logan, c'était un boy de Cavis Reid. C'était un de ses gars. Il est allé le chercher. Puis tu sais, Cavis Reid, on a lancé beaucoup de pierres, mais on a quand même entendu des commentaires à propos de certains joueurs qui l'ont apprécié, Cavis Reid. Je pense que il a tout de même gagné probablement le respect de certains joueurs, dont Bowman. Bowman, il l'a dit cette semaine que pour lui, si c'était pas de Cavis Reid, il jouerait probablement plus au football. Ouais. Mais tu sais, Bowman est en fin de carrière aussi. Là, bon, c'est ça. Ben, Stephen Logan, je veux dire, tu l'as dit, un retourneur de beauté, là, ça prend du gaz. Gaz, ça t'en prend. C'est pas avec une vieille Hyundai 80. Ben non. C'est sûr. Pascal, un gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Pascal Masson, notre collaborateur des Alouettes de Montréal.